Livre quatrième. Suite des vérités de l'Écriture. Objections contre le système de Moïse. Chapitre premier. Chronologie. Depuis que quelques savants ont avancé que le monde portait dans l'histoire de l'homme ou dans celle de la nature des marques d'une trop grande antiquité pour avoir l'origine moderne que lui donne la Bible, on s'est mis à citer Sanconiaton, Porphyre, les livres sanscrits, etc. Ceux qui font valoir ces autorités les ont-ils toujours consultées dans leurs sources? D'abord, il est un peu téméraire de vouloir nous persuader qu'Origène, Eusèbe, Bossuet, Pascal, Fénelon, Bacon, Newton, Leibniz, Huet et tant d'autres étaient ou des ignorants, ou des simples, ou des pervers, parlant contre leurs convictions intimes. Cependant, ils ont cru à la vérité de l'histoire de Moïse, et l'on ne peut disconvenir que ces hommes n'eussent une doctrine auprès de laquelle notre érudition est bien peu de chose. Mais, pour commencer par la chronologie, les savants modernes ont donc dévoré, en se jouant, les insurmontables difficultés qui ont fait pâlir Scaliger, Peto, Usher, Grotius. Ils riraient de notre ignorance si nous leur demandions quand ont commencé les Olympiades, comment elles s'accordent avec les manières de compter par à-compte, par effort, par édile, par consul, par règne, jeupitique néméen, séculaire. Comment se réunissent tous les calendriers des nations? De quelle manière il faut opérer pour faire tomber l'ancienne année de Romulus de 10 mois et de 354 jours? Avec l'année de Numa de 355 jours et celle de Jules César de 365. Par quels moyens on évitera les erreurs en rapportant ces mêmes années à la commune année attique de 354 jours et à l'année embolismique de 384 jours? Et pourtant, ce ne sont pas là les seules perplexités touchant les années. L'ancienne année juive n'avait que 354 jours. On ajoutait quelquefois 12 jours à la fin de l'an, et quelquefois un mois de 30 jours après le mois Adar, afin d'avoir l'année solaire. L'année juive moderne compte 12 mois et prend cette année de 13 mois en 19 ans. L'année syriaque varie également et se forme de 365 jours. L'année turque ou arabe reconnaît 354 jours et reçoit 11 mois intercalaires en 29 ans. L'année égyptienne se divise en 12 mois de 30 jours et ajoute 5 jours au dernier. L'année persane, nommée yesdergique, lui ressemble. Outre ces 1000 manières de mesurer les temps, toutes ces années n'ont ni les mêmes commencements, ni les mêmes heures, ni les mêmes jours, ni les mêmes divisions. L'année civile des Juifs, ainsi que toutes celles des Orientaux, s'ouvre à la nouvelle lune de septembre, et leur année ecclésiastique à la nouvelle lune de mars. Les Grecs comptent le premier mois de leur année de la nouvelle lune qui suit le solstice d'été. C'est à notre mois de juin que correspond le premier mois de l'année des Perses, et la Chine et l'Inde partent de la première lune de mars. Nous voyons ensuite des mois astronomiques et civils qui se subdivisent en lunaires et solaires, en synodiques et périodiques. Nous voyons des sections de mois en calendes, ides, décades, semaines. Nous voyons des jours de deux espèces, artificiels et naturels, et qui commencent ceux-ci au soleil levant, comme chez les anciens babyloniens, syriens, perses, ceux-là au soleil couchant, ainsi qu'en Chine, dans l'Italie moderne, et comme autrefois chez les Athéniens, les Juifs et les barbares du Nord. Les Arabes commencent leur jour à midi, et la France actuelle à minuit, de même que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Enfin, il n'y a pas jusqu'aux heures qui ne soient embarrassantes en chronologie. En se distinguant en babylonienne, italienne et astronomique, et si l'on voulait insister davantage, nous ne verrions plus 60 minutes dans une heure européenne, mais 1080 scrupules dans l'heure chaldéenne et arabe. on a dit que la chronologie est le flambeau de l'histoire. Plût à Dieu que nous n'eussions que celui-là pour nous éclairer sur les crimes des hommes. Que serait si, pour surcroît de perplexité, nous allions nous engager dans les périodes, les ères ou les époques? La période victorienne, qui parcourt 532 années, est formée de la multiplication des cycles du soleil et de la lune. Les mêmes cycles, multipliés par celui d'indication, produisent les 7980 années de la période julienne. La période de Constantinople, à son tour, renferme un égal nombre d'années à celui de la période julienne, mais ne commence pas à la même époque. Quant aux ères, ici on compte par l'année de la création, là par Olympiade, par la fondation de Rome, par la naissance de Jésus-Christ, par l'époque de Zeb, par celle des Séleucides, celle de Nabonassar, celle des martyrs. Les Turcs ont leur égire, les Persans leur ère édergique. On compte encore par les ères juliennes, grégoriennes, ibériennes et actiennes. Nous ne parlons point des marbres d'Arundel, des médailles et des monuments de toutes les sortes qui introduisent de nouveaux désordres dans la chronologie. Est-il un homme de bonne foi qui, en jetant seulement un coup d'œil sur ces pages, ne conviennent que tant de manières indécises de calculer les temps, suffisent pour faire de l'histoire un épouvantable chaos? Les annales des Juifs, de l'aveu même des savants, sont les seules dont la chronologie soit simple, régulière et lumineuse. Pourquoi donc aller, par un zèle ardent d'impiété, se consumer l'esprit sur des chicanes de temps aussi aride qu'indéchiffrable, lorsque nous avons le fil le plus certain pour nous guider dans l'histoire? Nouvelle évidence en faveur des Écritures. Chapitre 2. Logographie et faits historiques. Après les objections chronologiques contre la Bible, viennent celles qu'on prétend tirer des faits mêmes de l'histoire. On rapporte la tradition des prêtres de Thèbes qui donnait 18 000 ans au royaume d'Égypte, et l'on cite la liste des dynasties de ces rois qui existent encore. Plutarque, qu'on ne soupçonnera pas de christianisme, se chargea d'une partie de la réponse. Encore, dit-il, en parlant des Égyptiens, que leur année ait été de 4 mois, selon quelques auteurs. Elle n'était d'abord composée que d'un seul, et ne contenait que le cours d'une seule lune. Et ainsi, faisant d'un seul mois une année, cela est cause que le temps qui s'est écoulé depuis leur origine paraît extrêmement long, et que, bien qu'ils habitent nouvellement leur pays, ils passent pour les plus anciens des peuples. Nous savons d'ailleurs, par Hérodote, Diodore de Sicile, Justin, Jablonski, Strabon, que les Égyptiens mettent leur orgueil à égarer leur origine dans les temps, et pour ainsi dire à cacher leur berceau sous les siècles. Le nombre de leurs règnes ne peut guère embarrasser. On sait que les dynasties égyptiennes sont composées de rois contemporains. D'ailleurs, le même mot, dans les langues orientales, se lit de 5 à 6 manières différentes, et notre ignorance a souvent fait de la même personne 5 ou 6 personnages divers. Et c'est aussi ce qui est arrivé par rapport aux traductions d'un seul nom. L'Atoth, des Égyptiens, est traduit dans Hérosthène par ce qui signifie en grec « le lettré », comme Atoth l'exprime en égyptien. On n'a pas manqué de faire 2 rois d'Atoth et d'Hermès ou Hermogène. Mais l'Atoth de Manéthon se multiplie encore, il devient Toth dans Platon, et le texte de Sanconation prouve en effet que c'est le nom primitif. La lettre A est une de ces lettres qu'on retranche et qu'on ajoute à volonté dans les langues orientales. Ainsi, l'historien Joseph traduit par Apaknas le nom du même homme qu'Africanus appelle Paknas. Voici donc Thoth, Atoth, Hermès ou Hermogène ou Mercure, 5 hommes fameux qui vont composer entre eux près de 2 siècles. Et cependant, ces 5 rois n'étaient qu'un seul Égyptien qui n'a peut-être pas vécu 60 ans. Après tout, qu'est-il besoin de s'appesantir sur des disputes logographiques lorsqu'il suffit d'ouvrir l'histoire pour se convaincre de l'origine moderne des hommes? On a beau former des complots avec des siècles inventés, dont le temps n'est point le père. On a beau multiplier et supposer la mort pour en emprunter les ombres, tout cela n'empêche pas que le genre humain ne soit que d'hier. Les noms des inventeurs des arts nous sont d'aussi familiers que ceux d'un frère ou d'un aïeul. C'est Ipsuranius qui bâtit ses huttes de roseaux où logea la primitive innocence, ou Zoüs couvrit sa nudité de peau de bête et affronta la mer sur un tronc d'arbre. Tubal-Caïn mit le fer dans la main des hommes. Noé ou Bacchus planta la vigne. Caïn ou Triptolème courba la charrue. Agrotès ou Cérès recueillit la première moisson. L'histoire, la médecine, la géométrie, les beaux-arts, les lois ne sont pas plus anciennement au monde et nous les devons à Hérodote, Hippocrate, Thalès, Homère, Dédale, Minos. Quant à l'origine des rois et des villes, l'histoire nous en a été conservée par Moïse, Platon, Justin et quelques autres. Et nous savons quand et pourquoi les diverses formes de gouvernement se sont établies chez les peuples. Que si pourtant on est étonné de trouver tant de grandeur et de magnificence dans les premières cités de l'Asie, cette difficulté cède sans peine à une observation tirée du génie des Orientaux. Dans tous les âges, ces peuples ont bâti des villes immenses, sans qu'on en puisse rien conclure en faveur de leur civilisation, et conséquemment de leur antiquité. L'Arabe, échappé des sables brûlants, où il s'estimait heureux d'enfermer une ou deux toises d'ombre sous une tente de peau de brebis, cet Arabe a élevé, presque sous nos yeux, des cités gigantesques, vastes métropoles, où ce citoyen des déserts semble avoir voulu enclore la solitude. Les Chinois, si peu avancés dans les arts, ont aussi les plus grandes villes du globe, avec des jardins, des murailles, des palais, des lacs, des canaux artificiels, comme ceux de l'ancienne Babylone. Nous-mêmes, enfin, ne sommes-nous pas un exemple frappant de la rapidité avec laquelle les peuples se civilisent? Il n'y a guère plus de 12 siècles que nos ancêtres étaient aussi barbares que les Hottentotes, et nous surpassons aujourd'hui la Grèce dans les raffinements du goût, du luxe et des arts. La logique générale des langues ne peut fournir aucune raison valide en faveur de l'ancienneté des hommes. Les idiomes du primitif Orient, loin d'annoncer des peuples vieillis en société, décèlent au contraire des hommes fort près de la nature. Le mécanisme en est d'une extrême simplicité. L'hyperbole, l'image, les figures poétiques s'y reproduisent sans cesse, tandis qu'on y trouve à peine quelques mots pour la métaphysique des idées. Il serait impossible d'énoncer clairement en hébreu la théologie des dogmes chrétiens. Ce n'est que chez les Grecs et chez les Arabes modernes qu'on rencontre les termes composés propres au développement des abstractions de la pensée. Tout le monde sait qu'Aristote est le premier philosophe qui ait inventé des catégories, où les idées viennent se ranger de force, quelle que soit leur classe ou leur nature. Enfin, l'on prétend qu'avant que les Égyptiens eussent bâti ces temples, dont il nous reste de si belles ruines, les peuples pasteurs gardaient déjà leurs troupeaux sur d'autres ruines, laissées par une nation inconnue, ce qui supposerait une très grande antiquité. Pour décider cette question, il faudrait savoir au juste qui étaient et d'où venaient les peuples pasteurs. M. Bruce, qui voyait tout en Éthiopie, les fait sortir de ce pays. Et cependant les Éthiopiens, loin de pouvoir répandre au loin des colonies, étaient eux-mêmes, à cette époque, un peuple nouvellement établi. Éthiopès, dit Euseb, abindo flumine consurgentes, juxta Egyptum concederunt. Manéthon, dans sa 6e dynastie, appelle les pasteurs phéniciens étrangers. Euseb place leur arrivée en Égypte sous le règne d'Aménophis, d'où il faut tirer ces deux conséquences. Premièrement, que l'Égypte n'était pas alors barbare, puisque Inachus, égyptien, portait vers ce temps-là les lumières dans la Grèce. Deuxièmement, que l'Égypte n'était pas couverte de ruines, puisque Thèbes était bâtie, puisqu'Aménophis était père de ce Sésostris qui éleva la gloire des Égyptiens à son comble. Au rapport de l'historien Joseph, ce fut Thèthmôsis qui contraignit les pasteurs à abandonner entièrement les bords du Nil. Mais quels nouveaux arguments n'aurait-on point formés contre l'écriture si on avait connu un autre prodige historique, qui tient également à des ruines, hélas, comme toute l'histoire des hommes. On a découvert depuis quelques années, dans l'Amérique septentrionale, des monuments extraordinaires sur les bords du Munskingum, du Miani, du Wabash, de l'Ohio, et surtout du Scioto, où ils occupent un espace de plus de 20 lieues en longueur. Ce sont des murs en terre, avec des fossés, des glacis, des lunes, demi-lunes, et de grands cônes qui servent de sépulcres. On a demandé, mais sans succès, quel peuple a laissé de pareilles traces. L'homme est suspendu dans le présent, entre le passé et l'avenir, comme sur un rocher, entre deux gouffres. Derrière lui, devant lui, tout est ténèbres. À peine aperçoit-il quelques fantômes qui, remontant du fond des deux abîmes, surnagent un instant à leur surface et s'y replongent. Quelles que soient les conjectures sur ces ruines américaines, quand on y joindrait les visions d'un monde primitif et les chimères d'une Atlantide, la nation civilisée qui a peut-être promené la charrue dans la plaine où l'Iroquois poursuit aujourd'hui les ours, n'a pas eu besoin, pour consommer ses destinées, d'un temps plus long que celui qui a dévoré les empires de Cyrus, d'Alexandre et de César. Heureux du moins ce peuple qui n'a point laissé de nom dans l'histoire et dont l'héritage n'a été recueilli que par les chevreuils des bois et les oiseaux du ciel. Nul ne viendra renier le Créateur dans ses retraites sauvages, et, la balance à la main, peser la poudre des morts pour prouver l'éternité de la race humaine. Pour moi, amant solitaire de la nature et simple confesseur de la divinité, je me suis assis sur ces ruines. Voyageur sans renom, j'ai causé avec ces débris comme moi-même, ignoré. Les souvenirs confus des hommes et les vagues rêveries du désert se mêlaient au fond de mon âme. La nuit était au milieu de sa course. Tout était muet, et la lune, et les bois, et les tombeaux. Seulement, à longs intervalles, on entendait la chute de quelques arbres que la hache du temps abattait dans la profondeur des forêts. Ainsi, tout tombe, tout s'anéantit. Nous ne croyons pas obligés de parler sérieusement des quatre jogues, ou âges indiens, dont le premier a duré 3 200 000 ans, le second 1 000 000 d'années, le troisième 1 600 000 ans, et le quatrième, ou l'âge actuel, qui durera 400 000 ans. Si l'on joint à toutes ces difficultés de chronologie, de logographie et de fait, les erreurs qui naissent des passions de l'historien ou des hommes qui vivent dans ces fastes, si on y ajoute les fautes de copistes et 1000 accidents de temps et de lieux, il faudra de nécessité convenir que toutes les raisons en faveur de l'antiquité du globe, par l'histoire, sont aussi peu satisfaisantes qu'inutiles à rechercher. Et certes, on ne peut nier que c'est assez mal établir la durée du monde que d'en prendre la base dans la vie humaine. Quoi ? C'est par la succession rapide d'ombres d'un moment que l'on prétend nous démontrer la permanence et la réalité des choses. C'est par des décombres qu'on veut nous prouver une société sans commencement et sans fin. Faut-il donc beaucoup de jours pour ramasser beaucoup de ruines ? Que le monde serait vieux si l'on comptait ces années par ces débris.